Exercice 6, page 17. A. Gauche. Chaud. Autre. Nuageux. Faux. Pauvre. Jauni. Haute. B. Neige. Peigne. Reine. Pied. Veine. 13, 16, peine, C. Aider, aimer, reconnaître, socialiser, taire, faire, plaire, baigner. D. Croix, doigt, foi. Roi, bio, loi, bois, joie. E. Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, duo, pou.